السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah Azza wa Jal l'étude et la lecture de l'épître Les Trois Fondements. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit « Après leur mort, les gens seront ressuscités. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. C'est d'elle la terre que nous vous avons créée, et en elle nous vous ferons retourner, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. » Sourate Taha, verset 55. Ainsi que sa parole « Et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. » Sourate Nuh, versets 17 et 18. Nous avons vu la semaine passée la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons à Médine. Nous avons également vu le statut juridique de la hijra pour les musulmans jusqu'à l'avènement de l'heure. Nous avons également vu la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur mentionne dans ce paragraphe la foi en la résurrection. Toute personne sur terre sait avec certitude qu'il mourra. Personne sur terre ne diverge sur ce point-là, que la personne soit croyante ou mécréante. De même, nous avions vu la semaine passée la preuve de cela. Allah Azza wa Jal a dit « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun » « Certes, tu mourras, ô Muhammad, et ils mourront » Sourate Zumar, versets 30 et 31. De même, Allah Azza wa Jal a dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » « Toute âme goûtera à la mort ». Cependant, le point de divergence entre les croyants et les mécréants est dans le fait de croire à la résurrection. La résurrection, c'est le retour des morts à la vie. Allah Azza wa Jal dit à cet effet « يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ » Le jour où ils sortiront des tombes rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Sourate Al-Ma'arij, verset 43. Croire en la résurrection fait partie de la croyance au jour dernier, qui fait partie des six piliers de la foi. Celui qui mécroit à la résurrection a certes mécru. Même si la personne atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, même si la personne atteste que Mohammed est le messager d'Allah, même s'il prie, jeûne, accomplit le pèlerinage. Tant qu'il ne croit pas à la résurrection ou doute de cela, alors cette personne n'est pas croyante. Le noble cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, nous dit, parmi les preuves de la résurrection, Allah Azza wa Jal nous dit « Et parmi ces merveilles est que tu vois la terre humiliée, toute nue, puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. » Sourate Fussilat, verset 39. Certes, celui qui redonne la vie à la terre après qu'elle soit morte, est certes capable de redonner la vie à ses corps après leur mort, de la même façon qu'il redonne la vie à la terre après sa mort. Parmi les preuves également, est que s'il n'y avait pas de résurrection, cela impliquerait que la création de l'homme est une futilité sans but. Et ceci ne convient pas à la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Comment est-il possible que celui qui est obéissant vers son Seigneur, celui qui craint son Seigneur, qui croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui le mécréant, l'athée, le pervers, l'orgueilleux, le désobéissant? Est-il possible que ces différentes catégories de personnes vivent sur terre puis meurent sans qu'après cela il n'y ait de rétribution pour le croyant qui a cru en Allah et sans que le mécréant, l'athée, le pervers, l'orgueilleux ne soit également rétribué pour ses œuvres? Gloire et pureté à Allah, cela ne convient pas à la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit à cet effet: « وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى » Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure des récompenses. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ » Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Sourate Sad, verset 28. Tous ces versets nous montrent que l'homme sera ressuscité après sa mort, où il sera rétribué selon ses œuvres. In khayran fa khayrun wa in sharran fa sharrun. S'il a fait du bien, il aura le bien, et s'il a fait le mal, il aura le mal. Ensuite, l'auteur du livre a dit: wa ba'd al-ba'th muhasabun wa majziyun bi'a'malihim wa ad-dalil qawluhu ta'ala liyajzi alladhina asa'u bima 'amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure des récompenses. Surat An-Najm, Surat An-Najm, verset 31. Fait partie de la foi au jour dernier, le jugement, la pesée des actes, des livres, des personnes, la rétribution en fonction des œuvres. Toutes ces étapes font partie de la foi au jour dernier. Ensuite, l'auteur du livre a dit: « وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » Dans le sens des versets où l'auteur du livre a dit: « Et quiconque renie la résurrection devient mécréant. » La preuve réside dans la parole d'Allah: « Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. » Dit: « Mais si par mon Seigneur vous serez très certes ressuscité, puis vous serez informé de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah Azza wa Jal. » Surat At-Taghabun, verset 7. Le noble cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit dans la parole de l'auteur: « Celui qui renie la résurrection a certes mécru. » Il nous dit: « Cette personne a renié un pilier parmi les piliers de la foi, qui est la foi au jour dernier. De même, cette personne, en reniant la résurrection, a démenti Allah Azza wa Jal, a démenti son prophète et a démenti les livres révélés. Car Allah Azza wa Jal a informé de la résurrection. Les messagers également ont informé de la résurrection. Et les livres révélés contiennent l'information de la résurrection. De ce fait, celui qui renie la résurrection a certes mécru. Également, le noble cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullahu ta'ala, nous dit: « Ô toi le musulman qu'Allah te guide, les gens sont de trois catégories concernant la résurrection. Le premier groupe sont ceux qui ont renié la résurrection parmi les mécréants, les polythéistes et autres. Ils ont renié la résurrection de manière générale et détaillée. Le deuxième groupe sont ceux qui croient en la résurrection de manière générale et renient certains détails liées au jour de la résurrection, certaines étapes, comme le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le passage sur le pont dressé et autres. Ceux-là sont des innovateurs comme Al-Mu'tazila et ceux qui les ont suivis. Le troisième groupe sont ceux qui croient à la résurrection de manière générale et détaillée. Ceux-là sont les gens de la Sunna. L'auteur du livre a dit: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit: Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah: messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. Sourate An-Nisa, verset 165. Il nous dit: le premier d'entre eux est Nuh alayhi salam, et le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve indiquant que Nuh est le premier des messagers est la parole d'Allahu Azza wa Jal: nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Sourate An-Nisa, verset 163. Le noble cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullahu ta'ala, qu'Allah le préserve, nous dit: c'est-à-dire des messagers qui font l'annonce du paradis aux gens du tawhid et de l'obéissance, ceux qui vouent un culte exclusif à Allah Azza wa Jal et lui obéissent. De même, des messagers qui avertissent et mettent en garde d'un feu pour ceux qui associent ou qui pour ceux qui donnent des associés à Allah Azza wa Jal et qui désobéissent à Allah Azza wa Jal. Dans la parole de l'auteur, rahimahullahu ta'ala, le premier d'entre eux est Nuh. La foi au messager fait partie des piliers de la foi, comme nous avons vu cela lorsque nous avons étudié le degré de la foi. Celui qui mécroit en un messager parmi les messagers d'Allah Azza wa Jal a certes mécru en tous les prophètes et messagers. Allah Azza wa Jal dit à cet effet: ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et disent: nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Sourate An-Nisa, versets 150 et 151. Les meilleurs des messagers sont au nombre de cinq. Ce sont les messagers doués de fermeté, Ulul Azm. Ils sont par ordre de mérite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Ibrahim alayhi salam, ensuite Moussa alayhi salam, ensuite Nuh alayhi salam, et enfin Isa alayhi salam. Le premier, l'auteur du livre a dit, dans sa parole, le premier d'entre eux est Nuh. Le premier messager qui a été envoyé sur terre est Nuh, alayhi salam. À savoir que certains savants voient que c'est le prophète Adam qui est le premier messager envoyé sur terre. L'avis le plus juste dans cette question est que Nuh est le premier messager envoyé sur terre. Et ceci est appuyé par la preuve que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a citée. Également dans le hadith de la grande intercession, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera auprès d'Allah pour le commencement du jugement, les gens iront voir, comme il est rapporté dans le hadith, les gens iront voir les prophètes et messagers pour qu'ils puissent intercéder. Ils diront à Nuh: tu es le premier messager envoyé pour les gens sur terre. Et dans une autre variante, ils iront voir Adam alayhi salam qui dira: allez voir Nuh car il est le premier messager qu'Allah a envoyé pour les gens sur terre. Comme ceci est rapporté dans le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Quant à Adam alayhi salam, il est le premier prophète et non le premier messager. Le dernier des messagers est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit à cet effet, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Sourate Al-Ahzab, verset 40. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Thauban, radiallahu anhu, et je suis le dernier des prophètes et il n'y aura pas de prophète après moi. Le message d'Allahu Azza wa Jal a été clôturé avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y aura pas de prophète après et ceci jusqu'à que l'heure arrive. Celui qui prétend la prophétie après le prophète sallallahu alayhi wa sallam est certes mécréant. De même, celui qui rend véridique la prophétie d'un individu après la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a certes mécru. L'auteur du livre a dit وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Il nous dit Allah a envoyé un messager à chaque communauté depuis Nuh jusqu'à Muhammad, qui leur ordonne d'adorer Allah exclusivement et leur interdit d'adorer le Tawhout. La preuve de cela est la parole d'Allah, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tawhout ». Sourate An-Nahl, verset 36. Le noble cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, nous dit Allah a envoyé à chaque communauté un messager pour que la preuve soit établie, pour que la preuve soit établie, et pour que les gens ne disent pas un annonciateur ne nous est pas parvenu, un avertisseur ne nous est pas parvenu. Allah Azza wa Jalla dit à cet effet, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Sourate Al-Isra, verset 15. Chaque communauté passée a reçu un messager, comme Allah Azza wa Jal dit, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Sourate Fatir, verset 24. L'appel des messagers du premier au dernier est un appel à Allah Azza wa Jal, un appel au tawhid, qui est d'adorer Allah seul et de s'écarter de l'adoration des idoles, des tombeaux, des saints, des prophètes, des anges et autres. Voici leur appel. Tous les messagers ont appelé à adorer Allah Azza wa Jal seul sans rien lui associer. Et ils ont interdit et mis en garde contre le polythéisme. Ensuite, après le tawhid, viennent les différentes règles de la législation. Parmi le licite, l'illicite, et les détails de la législation diffèrent d'une communauté à une autre. Allah légifère et abroge ce qu'il veut, d'une communauté à une autre, ou d'une époque à une autre. Et Allah Azza wa Jal a certes abrogé toutes ces législations passées avec l'islam dans son sens particulier, qui est ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Ensuite, l'auteur du livre a dit وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. L'auteur du livre a dit, Allah Azza wa Jal a imposé à tous les serviteurs de renier le tawhout et de croire en Allah. L'imam ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, le tawhout est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse sa limite, qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. Dans ce paragraphe, l'auteur du livre Rahimahullah Ta'ala nous rappelle l'ordre de croire en Allah et de lui vouer l'adoration exclusive, et dans le même temps de mécroire au Tawhout. Ensuite, il a mentionné la signification de At-Tawhout en rappelant la parole de l'imam Ibn al-Qayyim à ce sujet. At-Taghut, le mot At-Taghut est tiré du mot Tughyan, qui peut se traduire ici par le fait de dépasser la crue, l'irruption, qui est le fait de dépasser une limite. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Haqqa, Inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariyah. C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche. C'est-à-dire lorsque l'eau dépassa ses limites ou sa limite. Quant à son sens religieux, comme l'a cité l'imam Ibn al-Qayyim, c'est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse sa limite, qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. Car le serviteur, Allah Azza wa Jal, lui a fixé une limite à laquelle il a l'obligation de s'arrêter et de se limiter. S'il dépasse cette limite, alors il sera considéré comme un taghout. Ainsi, ceux qui sont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal et qui sont satisfaits de cela, qui se réjouissent que les gens les adorent, qui appellent les gens à leur adoration, tout cela sont appelés taghout, tawarit, comme Fir'aoun, comme les shuyukh des soufis, qui sont adorés par leurs suiveurs, leurs partisans, tout en étant satisfaits de cela. Ils ont certes dépassé leurs limites fixées. Celui qui est adoré tout en étant satisfait a certes dépassé sa limite, comme celui qui adore autre qu'Allah a certes dépassé sa limite, car il a voué l'adoration à autre qu'Allah. L'auteur du livre a dit ensuite « At-tawaghit kathirun wa ru'usuhum khamsa Iblis la'anahu Allah wa man 'ubida wa huwa rabb wa man da'a an-nasa ila 'ibadati nafsihi wa man idda'a shay'an min 'ilmi al-ghayb wa man hakama bighayri ma anzala Allah. » L'auteur du livre nous dit « Les tawaghit sont nombreux. Leurs têtes sont au nombre de 5. Iblis, qu'Allah le maudisse, celui qui est satisfait de l'adoration qu'on lui voue, celui qui appelle les gens à lui vouer une adoration, celui qui prétend connaître une partie de la science de l'inconnaissable et celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé. » L'auteur du livre mentionne dans ce point les meneurs, les guides des tawarit, les guides des égareurs. Le premier est Iblis, qu'Allah le maudisse. Iblis, qui a été chassé du paradis, éloigné de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, à cause de son refus de se prosterner devant Adam, alayhi salam. Il dit, je suis meilleur que Adam. J'ai été créé de feu alors que lui a été créé de terre. Il fut rejeté du paradis et éloigné de la miséricorde d'Allah. Et il est certes, Iblis, la tête des tawarit, car c'est lui qui ordonne le polythéisme, l'innovation, la désobéissance. Et il est la base de tout mal. Deuxièmement, celui qui est satisfait de l'adoration qu'on lui voue. Quant à celui qui est adoré mais qui n'est pas satisfait de cela, mais au contraire réprouve et rejette cela, alors celui-là n'est pas appelé Tawarit et ne fait pas partie des Tawarit. Comme notre prophète, Isa alayhi salam, qui est adoré en dehors d'Allah, alors que Isa se désavoue et se désavouera le jour dernier, comme ceci est relaté dans le Coran. Tous ceux qui sont adorés mais qui ne sont pas satisfaits de cela ne sont pas appelés des tawarit. Troisièmement, celui qui appelle les gens à lui vouer une adoration, comme Pharaon, comme les chefs des soufis, qui appellent leurs suiveurs à leur vouer des adorations. Également, ceux qui appellent les gens à prendre les morts, les saints, ou ceux qui appellent les gens à invoquer les morts, à invoquer les saints, ceux-là également font partie des tawarit. Quatrièmement, celui qui prétend connaître une partie de la science de l'inconnaissable, comme les sorciers, les charlatans, les devins, les voyants, les astrologues et autres, parmi ceux qui prétendent connaître l'inconnaissable, ceux qui disent aux gens « il se passera ceci et cela ». Tu auras ceci et cela, il se passera telle chose dans ta vie et autres. Ceux-là sont appelés des tawarit. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهِ Dis, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent l'invisible ou l'inconnaissable, à part Allah Azza wa Jal. De même, il dit, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît. Sourate Al-An'am, verset 59. Et pour finir, cinquièmement, ceux qui jugent par autre que ce qu'Allah a révélé. Ceux qui jugent par autre que ce qu'Allah a révélé. Les détails sur cette question ou dans cette question sont les suivants. L'imam Ibn Nasir al-Sirdi a dit, rahimahullah ta'ala, le jugement d'après les lois autres que celles révélées par Allah font partie des agissements des négateurs. Ce peut être même une forme de mécréance qui fait sortir de la religion si celui-ci veut rendre licite une chose qui ne l'est pas. De même, le grand savant, le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit, le fait de juger par autre que ce qu'Allah a révélé, il dit c'est une mécréance. En deçà de la mécréance, ceci si la personne a pour conviction que juger par la loi d'Allah est obligatoire. Quant à celui qui juge par autre que la loi d'Allah et qui a la conviction que cela est permis, ou même meilleur, alors ceci est de la grande mécréance qui fait sortir de la religion. De même, le noble cheikh Salih al-Fawzan nous dit, concernant la personne qui juge par autre que la loi d'Allah, il nous dit, si la personne qui juge par autre que la loi d'Allah a pour conviction que cela est permis ou meilleur ou égal, alors ceci est une grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Mais celui qui a la conviction que juger par la loi d'Allah est obligatoire, et que juger par autre que la loi d'Allah est interdit, mais qui a fait cela par passion, alors cette personne s'est rendue coupable d'un grand péché, mais cela ne la fait pas sortir de la religion. L'auteur du livre a dit, pour finir, « La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim wa hadha ma'na la ilaha illa Allah. » L'auteur du livre a dit, « Nulle contrainte, la preuve de cela est la parole d'Allah Azza wa Jal. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque renie le Tawhid tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. » Sourate Al-Baqarah, verset 256. Et ceci est le sens de l'attestation de foi. Le noble cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullahu ta'ala, nous rapporte la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, dans l'explication de ce verset, qui a dit, ne contraignez pas, c'est-à-dire ne contraignez pas, ne forcez personne à entrer dans l'islam, car la religion de l'islam est claire et évidente. Il n'y a nul besoin de contraindre et de forcer qui que ce soit à entrer en islam. Mais au contraire, celui qu'Allah a guidé à l'islam, a ouvert sa poitrine, entrera en islam avec preuve et clairvoyance. Quant à celui dont Allah a rendu aveugle son cœur, alors le fait de le forcer à l'islam ne lui sera pas profitable. Fin de citation. Le cheikh nous dit également, qu'Allah le préserve, celui qui a mécru au Tawhid et a cru en Allah en lui vouant un culte exclusif a certes saisi l'anse la plus solide. Il nous dit, l'anse la plus solide a été traduite de plusieurs manières par les pieux prédécesseurs. Il nous dit, Mujahid rahimahullahu ta'ala a dit, c'est-à-dire l'anse la plus solide, c'est la foi. Saïd ibn Jubayr rahimahullahu ta'ala a dit, l'anse la plus solide, c'est la parole la ilaha illallah. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, c'est le Coran. Salim ibn Abi al-Jard rahimahullahu ta'ala a dit, c'est aimer pour Allah et détester pour Allah. Le cheikh nous dit, et toutes ces paroles sont correctes et il n'y a pas de contradiction en cela. Il nous dit également ce verset et le sens. En réalité, ce verset est le sens de l'attestation de foi, qui est de me croire au Tawhid et de croire en Allah Azza wa Jal. L'auteur du livre a dit, wa fil hadith, ra'sul amri al-islam, wa umuduhu al-salah, wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, wallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammad, wa alihi wa sahbihi wa sallim. Il nous dit dans le hadith, l'élément capital est l'islam. Son pilier est la prière et son degré le plus élevé est le combat dans le sentier d'Allah. Il nous dit par la suite, Allah est plus savant, qu'Allah couvre d'éloges et salue Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Ici s'achève, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, l'étude et la lecture de cet épître bénéfique qui renferme les fondements de la religion. Et certes, il convient à chacun d'entre nous de revoir, de réviser cet épître de nombreuses fois. On demande à Allah Azza wa Jal de faire miséricorde à l'auteur du livre, de lui octroyer la meilleure des récompenses. De même, on demande à Allah Azza wa Jal de récompenser les savants qui ont expliqué cet épître, desquels nous nous sommes aidés pour expliquer cet épître, comme le noble Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullahu Ta'ala, comme le noble Cheikh Ubaid Al-Jabiri, Hafizahullahu Ta'ala, et le Cheikh, le savant, Abdullah Al-Bukhari, Hafizahullahu Ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner les erreurs lors de l'explication de cet épître. Et si ce qui a été dit était juste, alors ceci provient de la grâce d'Allah Azza wa Jal. On lui demande également de nous permettre d'appliquer tout ce qui a été dit, que cela soit une preuve pour nous et non pas contre nous le jour dernier. Alhamdulillah illadhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.